Le jeu du ring par Jack London. Chapitre 1er. Devant lui et elle, dans le plus achalandé des magasins d'Auckland, tout un assortiment de tapis était étalé sur le sol. Deux tapis de Bruxelles, requis tout d'abord par le couple, avaient été rapidement délaissés, tandis qu'une vingtaine d'autres carpettes aux somptueuses impressions attiraient ses regards et excitaient visiblement sa convoitise. Une lutte se livrait, chez les deux jeunes gens, entre leurs désirs et la capacité de leur bourse, et prolongeaient leurs hésitations. Le commis qui les servait alla au téléphone et y manda le chef de rayon, absent en ce moment, le priant de venir s'occuper lui-même de ses deux clients. Déjà, Geneviève avait pu remarquer le respect à eux témoigné par le groom de l'ascenseur, demeuré soudain bouche bée. Elle avait vu aussi dans la ville maintes gens se détourner sur leur passage et plus d'une fois la marmaille les montrait du doigt avec admiration. Elle n'ignorait pas que ces hommes passaient par-dessus elle pour aller droit à son compagnon, à Joey, le boxeur aimé du public. Le chef de rayon pria qu'on voulait bien l'attendre quelques instants et délaissant pour un moment le souci du choix des tapis et de leur prix élevé, Geneviève, se penchant vers Joey, lui dit doucement, mais en s'appuyant sur les mots, comme au terme d'une conversation momentanément interrompue et arrivée à sa conclusion. « Non, Joey, je ne vois pas du tout, je vous assure, le plaisir que vous pouvez éprouver à jouer ainsi des points. » Une ombre brève parut assombrir les traits du jeune homme, bientôt chassé par un éclair de tendresse. « Bon, » dit-il, une fois encore. « Encore une. Il y a un engagement pris à remplir. Mais cette fois, je vous le promets, ce sera la dernière. » Et il sourit vers Geneviève. Mais il voyait bien, malgré tout, qu'il ne parlait ainsi que du bout des lèvres, et dans son désir ardent de posséder entièrement l'homme qu'elle aimait, elle sentait la jalousie la mordre au cœur, en songeant qu'il aimait lui quelque chose d'autre qu'elle. Il lui semblait que le ring maudit lui disputait son Joey, et elle en souffrait cruellement. « Voyons, voyons, » reprit-il avec calme, « il faut être raisonnable. Ma précédente rencontre avec O'Neill m'a permis de me libérer du dernier paiement qui me restait encore à effectuer sur la maison de maman. Mais voici, ce qui m'est à considérer, tranquille sur ce point. Un ultime combat avec Ponta me procurera, j'y compte fermement, 100 beaux dollars en banque. 100 dollars sont à considérer. Ce sera une excellente aubaine pour nous mettre en ménage et installer douillettement notre petit nid. L'argent, répondit-elle, je n'en ai cure, et je ne comprends pas, je le répète, votre passion pour le jeu du ring. Quelle satisfaction ! Il l'interrompit brusquement. Quelle satisfaction ! Mais les mots lui faisaient défaut. Plus clairement qu'en paroles, il s'exprimait des poings sur le ring, alors qu'il faisait jouer savamment tous les muscles de son corps, que tout son être tendait à la victoire finale. Quelle satisfaction! Elle était incomparable, sans doute, mais mis en demeure ainsi de l'analyser, il s'en sentait incapable. Il essaya pourtant, avec des hésitations dans les termes, d'expliquer ses impressions, de dire la joie du jeu, de toutes ses péripéties, ennemi ou favorable. Il avait tiré Geneviève à l'écart des tapis abandonnés, dans l'embrasure d'une fenêtre, et parlé à mi-voix, en mots brefs. Il disait le bonheur qu'on éprouve à être le plus fort, quand les spectateurs enthousiasmés vous acclament de tous côtés, quand on a bien joué son jeu et gagné la partie. Et tout en parlant, il revoyait intérieurement l'homme chancelant devant lui, les lumières dans la salle, les spectateurs debout et trépignants. Puis il se tut brusquement. En s'apercevant que, reprise de réchef par la crainte du ring, son rival, Geneviève, pâlissait. Combien elle se sentait faible devant cette joie irrésistible et brutale qu'on lui dépeignait. Son Joey, le Joey qu'elle aimait, qu'elle avait bien cru posséder à fond, tenir moralement à sa merci, dans le creux impératif et douillet de sa petite main, lui semblait s'être évanoui soudain, pour faire place à un homme inconnu. Elle n'avait plus devant elle, au lieu d'un visage frais et gamin, aux yeux tendres, aux lèvres fines et bien dessinées, qu'un masque d'acier, sévère et contracté, un regard d'acier, qui semblait se délecter aux lumières du ring, une bouche d'acier, tout à coup durcie, dont les mâchoires avaient l'aspect d'une ouverture de trappe. Et cependant, tout en ne reconnaissant plus son amoureux, tout en s'effrayant de l'homme qui maintenant était là, elle se sentait fière de lui, et une poussée d'orgueil l'envahissait. Elle était femme, et par un long atavisme, la virilité du mâle agissait inévitablement sur elle. Elle la poussait vers l'homme fort, qui serait son compagnon désormais, qui le ferait dans la vie un rempart de sa force. Elle n'aurait pu définir nettement cette emprise, ni cette force, qui s'élevait, plus puissante que l'amour, et l'obligeait à se courber sous son pouvoir. Elle en souffrait, dans son petit cœur de femme, mais cette souffrance n'allait pas sans une certaine douceur. Et surtout, elle songeait que Joey lui avait promis, bien promis, de lui sacrifier désormais ses joies brutales. Le combat annoncé serait le dernier. « Mais Silverstein, dit-elle en faisant la moue, n'aime pas la boxe, ni les boxeurs. Elle a pour cela de bonnes raisons. » Joey sourit avec indulgence, dissimulant la peine, qui ne lui était pas nouvelle, que lui causait le mépris de Geneviève pour tout ce pan de sa nature, pour toute cette partie de son existence dont il était surtout fier. Quand il s'était épris de Geneviève et déclaré à elle, c'était sa vigueur en son idée, c'était son talent sur le ring, acquis par un travail constant, qu'il avait superbement mis au pied de la jeune fille. Voilà ce qui pour lui avait justifié son droit à la posséder. C'est de cela qu'elle serait la récompense, une récompense plus belle que toutes les autres. Geneviève n'avait pas compris. « Mais Mrs. Silverstein est une vieille folle, » dit-il en riant. « Qu'y a-t-il d'ailleurs de plus simple pour l'homme que le métier de boxeur ? Bain, massage, exercice régulier, vie réglée, une bonne nourriture, mais sans excès, alors que tant de gens mangent comme des porcs. Jamais d'alcool ni de tabac. Bref, soigneusement tout ce qui entretient la santé, éviter tout ce qui peut lui nuire. Les vieux Silverstein pourraient-ils en dire autant ? Vous-même ? » Et comme il vit que Geneviève se pinçait les lèvres. « Sincèrement, voyez si je mens. » Il lui prit le bras et le serra dans sa main, respectueusement mais avec force. « Votre chair est douce, oh, très douce. Mais en comparaison, tâtez la mienne. » Relevant la manche de sa veste, il prit délicatement les doigts de la jeune fille et en appuya l'extrémité sur ses propres biceps. Elle en sentit la dureté, tellement qu'elle en esquissa une grimace de douleur. « Hein, dit-il, est-ce ferme ? Et tout mon corps est semblable. Mon sang, ma chair, mes muscles, tout est pur en moi, tout est sain, jusqu'à la moelle des os. Chaque matin, quand je me réveille et me lève pour m'habiller, je sens la santé crépiter dans mes veines. Et si mon corps apparaît lisse et luisant, le cold cream n'y est pour rien. » Oui, passionnément, il l'avait aimé, ce joli ring, et il n'avait connu rien au monde plus beau, jusqu'à cet après-midi où il était par hasard entré dans la confiserie des époux Silverstein. Jusqu'à cet instant où Geneviève avait fait soudain irruption dans sa vie, couvrant de son ombre tout le reste. Non pas par un raisonnement, qui était au-dessus de son esprit simple, mais d'instinct, il commença à comprendre qu'un élément nouveau allait accaparer, en partie tout au moins, son existence, que la femme est nécessaire au bonheur de l'homme, et qu'il faudrait, quoi qu'il en eût, sacrifier à cet être, exigeant et concret, une bonne tranche des joies du règne divin. Il se débattait encore contre cette nécessité, qu'il sentait l'étreindre, mais à laquelle il se rendait compte qu'il faudrait céder un jour ou l'autre, et il s'en irritait intérieurement. Quant à Geneviève, ses sentiments, pour être tout aussi irraisonnables, n'étaient pas moins complexes. En ce même instant où elle admirait les yeux clairs de Joey, la peau blanche de son visage, ses joues douces et lisses comme celles d'une jeune fille, elle en haïssait plus fort ce règne tout-puissant qui lui volait son amoureux. Elle eût, de beaucoup, préféré avoir en face d'elle une rivale en chair et en os, dont, avec les yeux féminins dont elle disposait, elle aurait pu efficacement contrebattre l'influence. Mais devant un inconnu qui lui échappait, elle se sentait désarmée. Si douloureuse était en elle cette pensée, que ses yeux soudain s'inondèrent de larmes et que ses lèvres se mirent à trembler. « Qu'avez-vous, Geneviève, au nom du ciel ? » s'écria Joey. « Pardonnez-moi si je vous ai fait de la peine. » Elle lui sourit dans ses pleurs, pour lui exprimer son pardon. Il ne savait pas exactement qu'elle avait été sans crime, mais il n'en était pas moins bouleversé, et lui aussi se mit à trembler. D'un geste impulsif, il tendit la main à Geneviève, mais se raidissant tout entière, la jeune fille se détourna, évitant de saisir cette main tendue, tandis que, malgré elle, s'illuminait davantage le sourire de ses yeux. À ce moment survint en trombe Mr. Clausen, le chef de rayon attendu et complètement oublié. Instantanément, grâce à cette mobilité merveilleuse innée chez la femme et qui tient du sortilège, Geneviève sécha ses larmes. Rien sur son visage n'apparut plus de son trouble, et ce fut du ton le plus naturel qu'elle prononça. « Joey, Mr. Clausen. »« Mille excuses, je vous prie, » déclara vivement le chef de rayon. « Bonjour, Joey. » »« Et bonjour, Miss Pritchard. J'étais en grande conférence avec le patron. Alors vous comprenez, mille excuses. » C'était un homme d'aspect aimable, à la figure rose et blanche, avec des favoris, dont deux petits yeux rieurs démentaient l'austérité. « Qu'y a-t-il pour votre service ? » continua-t-il avec volubilité. Vous vous montez en ménage et vous désirez faire choix d'un tapis. Les moquettes imprimées vous tirent l'œil. Je vois cela. Et vous en trouvez le prix un peu salé. Oui, oui, je comprends. Moi non plus. Quand je me suis marié, je ne roulais pas sur l'or. Je ne gagnais que 14 dollars par semaine. Et dame, quand on se marie, rien n'est trop beau pour le petit nid. Il se pencha vers l'étiquette et l'examina. C'est cher, évidemment, mais de première qualité. Le plus cher, vous le savez, est encore, par sa durée, le meilleur marché. Écoutez-moi, Joey. Mr. Clausen baissa la voix, et comme en proie à un élan spontané de philanthropie, ce fut en un chuchotement confidentiel qu'il jeta dans l'oreille de Joey. « Joey, je ferai pour vous ce que je ne consentirai pour personne d'autre. Oui, afin de vous mettre à l'aise, je vous concéderai sur ce tapis une remise de 15%. Seulement, et la voix du chef de rayon devint d'une impressionnante solennité. Seulement, il ne faudra jamais dire à personne combien vous avez payé cet article, vraiment superbe. Cela va ainsi. » Geneviève et Joey, après s'être un instant consultés, acquiescèrent de la tête. « Bon, le prix s'entend naturellement, double étoile et livré à domicile. Et à quand l'entrée dans le petit nid? Quand ouvrez-vous vos ailes pour vous unir en juste noces? Demain? Quoi, demain déjà? Magnifique, admirable !» Mr. Clausen demeura un instant à rouler des yeux extasiés. Puis d'un air paternel, il considéra les deux jeunes gens le regard radieux. À ses politesses excessives, Joey répondit comme il convenait, sans trop se troubler. Mais Geneviève devint toute rouge. Le chef de rayon avait, avec une correction douteuse, mis les pieds dans leur intimité plus qu'il ne convenait. Ce n'était pas chez eux une pruderie apprise et affectée, mais le sentiment naturel que certains bonheurs doivent demeurer secrets. Toujours souriant, Mr. Clausen accompagna le couple jusqu'à l'ascenseur, avec des airs de condescendance et des mines protectrices, tandis que, curieux, les employés détournaient la tête pour suivre du regard Joey et sa compagne jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Le chef de rayon sonna l'ascenseur, puis, redevenant tout à coup sérieux, « Alors, Joey, c'est ce soir votre rencontre avec Ponta. Vous sentez-vous en forme? Pensez-vous le battre? » « J'y compte bien, » répondit Joey. « Jamais je ne me suis senti plus dispo. »« Bon, parfait. Je serai là, vous savez. J'étais un peu inquiet, vous comprenez. À la veille de vous marier, je me demandais, ha ha. Je craignais que des soucis plus tendres ne vous rendissent moins maître de vous. Un peu nerveux. Vous saisissez, n'est-ce pas? Quand je me suis marié, je m'en souviens. Mais tout est pour le mieux. Vous êtes sûr de vous? Oh, oh. Rien qu'à vous regarder, cela se voit. Allons, bonne chance, mon petit, et à ce soir. Je sais bien que c'est vous qui gagnerez, Joey. Non, non, je n'en ai jamais douté. » L'ascenseur venait d'arriver et le chef de rayon y installa galamment Geneviève. Au revoir, Miss Pritchard, au revoir. J'espère, quand vous serez mariée, que vous viendrez souvent me rendre visite. J'en serai enchanté, enchanté. Au revoir. Tout le monde vous appelle Joey, dit Geneviève à son compagnon d'un ton de reproche, tandis que l'ascenseur se mettait en marche. Pourquoi ne vous appelle-t-il pas Mr. Fleming? Cette familiarité me déplaît. Elle n'est pas du tout correcte. Mais Joey ne semblait pas entendre. Il regardait le groom de l'ascenseur d'un air pensif. Qu'avez-vous, mon ami? Réitéra Geneviève d'une voix affectueuse, dont elle connaissait par expérience le pouvoir. « Oh, rien du tout. Je pensais seulement, et je souhaiterais... Quoi donc ?» La voix de Geneviève s'était faite plus tendre encore. Plus de séduction avait brillé dans ses yeux d'amoureuse, de moins sensible que Joey eût mis bas les armes. Pourtant, il ne détourna pas vers elle son regard et continua à s'absorber dans sa pensée. Puis, délibérément, il la fixa, mettant ses prunelles dans les siennes. Je souhaiterais que vous veniez ce soir me voir lutter. Oui, une fois, rien qu'une fois, puisqu'au demeurant ce sera la dernière. » Elle esquissa un geste de répulsion tandis qu'il descendait de l'ascenseur, arrivé à fond de course. Et pendant que tous deux gagnaient la rue, elle eut d'heure et chef la vision de la rivalité mystérieuse qui venait s'interposer entre elle et celui qu'elle aimait. Elle fit sur elle-même un grand effort et pour s'attirer le cœur de Joey, pour faire pencher la balance de son côté de façon décisive, elle demanda très calmement, « Est-ce là vraiment votre désir ?»« Ce serait, répondait-il, la plus grande fierté de ma vie. » Alors était-ce chez elle la puissance de l'amour qui l'emportait sur cette timidité naturelle? Ou l'attrait du ring et de son jeu qu'elle connaîtrait pour la première fois et dont l'appel claironnait à ses oreilles, rompant l'étroite monotonie de l'existence coutumière dans la confiserie Silberstein? Toujours est-il qu'elle sentit le frisson d'une audace inusitée la secouer. En ce cas, c'est bien, prononça-t-elle simplement. J'irai. Joey n'avait pas, par lui, pensé qu'elle accepterait. Il en éprouva quelque embarras. Je m'attendais à un refus, de votre part, dit-il en riant. Les femmes, vous n'ignorez pas, ne sont pas habituellement admises à ces séances. Voulez-vous dire que la chose est impossible ? Demanda-t-elle avec feu, craignant de voir sombrer déjà la hardiesse de sa résolution. Oh, je m'arrangerai. Mais sincèrement, je ne croyais pas que vous eussiez dit oui. Un tram passait. Ils y montèrent et Joey, fouillant dans sa poche, en tira l'argent nécessaire au paiement des deux places.